Oui, je vous dis, c'est un écœur en crise de niveau de l'ignorance humaine. C'est une écœur en crise. C'est une écœur en crise. C'est un affront à l'intelligence, pas de l'art. C'est un affront à l'intelligence cosmique, l'ignorance de l'art. C'est un affront. Parce que là, je vous dis que quand on change de communiquer avec tous, ils sont contents, vous, ils sont contents. Les choses. Moi, je me rappelle avoir le contact comment est-ce que je vivais. Tu vis d'une boîte. Ta carrière, ton succès, tes enfants, ta famille, ta télévision, ta job, ton voyage au bout de l'année. Tu vis d'une boîte. Puis autour de la boîte, t'as des petits lunettes. D'où je viens, d'où je m'en vais. Je vais t'y aimer. J'ai pas eu la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est ça. Autour de la boîte, t'as des petits lunettes autour de la boîte. C'est ça l'évidence. C'est la limite de la conscience. Pour que je puisse parler à l'homme, il faut que l'homme puisse m'écouter parler. Si les gens ne sont pas capables de m'écouter parler, je ne peux pas parler à l'homme. Parce que je ne peux pas forcer l'homme à m'écouter. Pas être plaisant. Je ne permettrai plus que des gens retardent mon travail. Parce qu'en retardant mon travail, c'est pas vous qui retardez, oui, je suis conscient, il retarde l'émission des autres. Pour que je puisse fonctionner le plus possible, pour que les gens puissent comprendre le plus possible, parce que les gens doivent comprendre le plus possible, le plus tôt possible. J'ai dit à Croteau un jour, j'ai dit, je ne peux pas te donner la connaissance, je ne peux pas t'enseigner. J'ai dit, c'est quoi, je n'ai pas le droit de faire ça, je ne fonctionne pas de même. Je peux te dire, je peux te montrer comment la faire chez moi. Il faut qu'on sache comment la chercher la connaissance. Bon, faut qu'on apprenne à vivre. Quand il vous passe une idée dans la tête qui choque un petit peu votre intellect, c'est celle-là qui est bonne. Aussitôt qu'il passe une idée dans la tête, là, qui choque votre intellect, là, que ça vous paraît impossible, c'est celle-là qui est possible. Possibilité. Pognez-la, celle-là, puis allez chercher une information. Si votre ego a mis de côté, c'est final. Fait que s'il passe, vous donne un exemple, là, parce que le fou, je donne des exemples. Soit vous êtes assis dans votre chaise, vous buvez votre café, puis ça vous dit dans votre tête, vous vous pensez que ça vous dit dans votre tête, vous pensez à ça. Que l'homme, c'est pas une créature de Dieu. Là, votre ego va jouer. Là. C'est là, là. Que faut que vous la preniez, cette idée-là, parce qu'elle vient d'eux autres en haut pour vous faire comprendre d'eux autres. Là, le canal est ouvert, essayez de vous en servir pour. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils vont vous dire, c'est ça. Là, habituez-vous à aller chercher de la connaissance quand ils font passer un petit filet de l'énergie. Là, vous allez devenir sain. On a cherché un petit filet d'énergie qu'on finit par agrandir le canal. C'est ça. Exactement. Mais une fois qu'il passe, il est parti aussi vite. D'accord, d'accord. Quand c'est pas, c'est comme une impression là, qui vient de. Comme, à un moment donné, j'ai compris ce que c'était que de ne pas comprendre. Mais je ne pas en parole, il y a quelque chose qui. Oh. C'est pas qui vous, puis il n'est pas bien. Oh. Là, je le cherchais, oh. Parce que je t'ai dit comment c'est. C'est vite. Très? Très vite. Mais toi, avec ta sensibilité, tu as la chance d'aller en chercher des informations. C'est mêlé, là. C'est mêlé parce que t'es en cause de l'émotion dans ta connaissance. T'es en cause de l'émotion dans ton savoir. T'es en cause de l'émotion dans ta vie. C'est ça que c'est mêlé. Mais l'idée doit venir l'émotion. Oui. Et que ce qui servait à nous enlever, tu dis sur une cassette, qu'ils construisent la nuit le matériel qui leur sert le jour pour nous aiguillonner, en fin de compte. À un moment donné, ça veut dire que c'est quoi la nuit? Il y a des coupures qui se font, puis il y a des rêves, puis à un moment donné, tu ne rêves plus. Moi, je ne sais plus, là. Je ne sais plus rien. C'est noir. Quand c'est noir, c'est là, ça fait partie du client. C'est pas le fait de réaliser qui change les choses automatiquement. C'est ça qui est maintenant. Les conditions de vos esprits, de leur journée, ils sont toujours en relation avec le travail qu'ils font. Tout le temps. C'est à vous autres, avec toutes les josettes qu'on fait, c'est à vous autres de pouvoir comprendre ça, puis vous mettre au neuf d'attendre. D'abord, ils ne vont pas vous amener à vibrer à leur énergie trop vite. Parce que c'est trop dur. Au moins, il vous amène à vibrer à l'énergie graduellement. C'est pas important de trop vite ou vite. Il y a un temps chaque jour. Et quand ils vous mettent quelque chose dans la tête qui semble être impossible, contre, anti. Checker l'énergie là. Parce que c'est là. Moi, des fois, il me passe quelque chose, je dis, wow, c'est intéressant ça. Moi, c'est parce que je suis tellement conscient des autres que la moindre chose qui me passe, je la prends. Là, je dis, que c'est que tu dis là, là? Puis il me l'explique. Ah, ça dépend de vous autres. Ça dépend de vous autres. Mais éventuellement, ils ouvrent le canon. Éventuellement, ça ouvre. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin parce que si elle est trop loin, trop vite, vous seriez comme des haut-parleurs. C'est ce que je veux dire. Tu n'as été une pendant 4 ans. Parce que l'homme, à cause de son émotion, quand il reçoit des choses qui sont vastes, qui sont universelles, il veut les transmettre. Il n'y a rien à transmettre. On peut transmettre. Je savais pas, c'est trop dur de transmettre. D'accord. Ça fait partie de notre émotion pareille. Si tu transmets de l'énergie à une personne par ce biais-là, il faut que tu puisses t'assurer de continuer le travail que tu as commencé. Que l'on lâche. Si tu parles à une personne, change son esprit, parce que tu changes la vibration de ton esprit. Il faut que tu puisses avoir la force de continuer ce travail-là. C'est toi qui dis, occupez-vous vos agneaux. Regarde ce qu'il y a quand il y a des gars comme Moïse à Nord. Moïse, c'est ça, t'as vu. Il se fait dire, il y a le modèle de Pomino. Il se fait dire par des entités dans le monde des esprits qui vont avoir un drame mental en février, puis la fin du monde en février. Il se part, puis il s'en va des assommants. Fait qu'imaginez-vous s'il se ferait dire par eux autres en haut quelque chose, il partirait en haut bien plus raide. C'est l'opposé complètement, parce que eux autres, quand ils disent quelque chose, c'est pour toi. C'est pour ton évolution, pour ta compréhension, pour ton système interne, pour ceux avec qui tu vis d'une façon proche. Sinon, ils vont aller chercher tout le monde dans le monde, qu'ils soient en Afrique, au Japon, bien. Fait que c'est pas à vous autres de vous inquiéter de qui ils vont aller chercher, mais quand vous rencontrerez ces gens-là, au moins vous saurez comment parler avec ces gens-là. Vous serez sans même longueur d'onde. C'est une illusion spirituelle, ça. Faut qu'on ait le bac de cette illusion-là. Mais ça, j'en ai assez parlé. Les gens comprennent un peu aussi. Moi, des fois, quand je regarde la situation de l'homme vis-à-vis eux autres, c'est tellement vaste que les mots, j'en ai pas de mots pour l'expliquer. Quand je reçois une vibration, ça reste là, ça meurt là dans mon esprit. Mais quand j'ai les mots pour les expliquer, il faut que je dirige les mots où ça sert. Sancho, je me dirais. Il dit que c'est bien important pour nous autres de comprendre qu'on n'est pas les créatures du bon Dieu. Par Charles Brown en France, qui se fait dire là, que l'homme a été créé par les Elohim. Là. Checkez-la bien, celle-là. Ça va loin. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est, les gars. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est, l'ange. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est, là. On sait, rien. Puis on ne saurait pas qu'est-ce que c'est un homme tant qu'on ne sera pas dans les terres. Dans les terres, on va savoir qu'est-ce que c'est un homme parce que dans les terres, on va voir tout. Puis en voyant tout, on va comprendre tout. Mais tant qu'on est dans la matière, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est un homme. Parce qu'on juge tout d'après ce qu'on voit. Sous la condition humaine, c'est normal. Jusqu'à temps qu'on s'interroge. Si on s'interroge sur la condition humaine, il faut s'interroger en relation avec ce qu'on sent intérieurement. Pas en relation avec ce qu'on pense qu'on sait. Parce qu'on sait rien. Fait qu'il faut qu'on s'habitue à absorber dans notre mental une vibration qui provient de ces plans-là, qui en elle-même contient de l'information. Parce qu'une vibration, c'est intelligent, une vibration. Une vibration, c'est le mouvement de l'énergie. Le mouvement de l'énergie, c'est le mouvement de l'intelligence. Fait qu'une vibration n'a pas besoin d'être expliquée avec des mots pour qu'on saisisse le sens de ce qu'elle veut dire. C'est pour ça que ça passe si vite. Mais il faut que notre esprit soit alerte. Puis pour qu'il soit alerte, mais il faut qu'on soit conscient. Alors plus on est conscient, plus on est alerte. Éventuellement, aussitôt que la vibration passe, elle nous dit quelque chose. Fait que c'est là qu'on rentre dans le mystère. Parce que rentrer des mystères, c'est facile. Comprendre des mystères, c'est facile. Seulement, il faut toujours que ça serve à quelque chose. Soit à nous faire réaliser la grandeur de l'univers ou à nous faire passer de l'information pour l'instruction des hommes. Mais il faut que ça serve. Parce que les lois de l'univers, ce sont des lois parfaites. Alors, il n'y a aucune perte d'énergie pour eux autres. Tout doit servir. Puis il dit, dans votre mental, le fait de savoir qu'on n'est pas des créatures du bon Dieu, ça va changer la vibration de votre esprit. Parce que quand on sait quelque chose qui ne vient pas de nous autres, à ce moment-là, on sait quelque chose qui vient d'ailleurs. Puis quand on sait quelque chose qui vient d'ailleurs, on est automatiquement ailleurs en esprit, même si on ne réalise pas sur le matériel. Puis quand on est ailleurs dans l'esprit, on n'est plus dans la forme de notre esprit sur le plan matériel. On est dans l'énergie de notre esprit ailleurs, dans des conditions qu'on connaît. Sur le plan matériel, une nouvelle civilisation, il faut que cette civilisation-là soit totalement dans la lumière. Ceci veut dire qu'il faut que l'homme soit totalement dans la lumière. Ça veut dire que l'énergie dont se servira l'homme pour l'évolution de cette civilisation, que ce soit dans un monde parallèle ou sur le plan matériel, doit servir les forces de la lumière. Et non les appétits égaux et talents. Alors, eux autres nous amènent petit à petit à ça. C'est pour ça qu'on a une période de temps qui sert à la transformation de nos corps pour pouvoir éventuellement absorber cette énergie-là et vivre de cette énergie-là, et bien dans cette énergie-là, et ne plus souffrir moralement, mentalement, psychologiquement, émotivement sur le plan matériel. Parce que tant qu'on souffre sur le plan matériel, on ne peut pas travailler avec cette énergie-là. Un créateur, ça ne souffre pas. Une créature, ça souffre. C'est ça que la souffrance envers, parce que l'homme est une créature du bon Dieu. Il y a des gens qui gueulent et qui disent que, comment ça fait que le bon Dieu m'a envoyé ça? Comment ça fait que le bon Dieu m'a envoyé ça? Si il s'y a le bon Dieu, c'est de la vraie connerie. Mais l'homme, il est ignorant. À cause de Mathieu, ces manifestations psychologiques sont ignorantes. On doit tout comprendre, mais on peut seulement comprendre quand on arrive à libérer notre ego du poids de la connaissance. Lâcher les amarres. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui est la poussière dans la vie. On veut trop savoir. Ah, eux autres font un travail opposé, ils nous tempèrent, puis ils nous tempèrent, puis ils nous tempèrent, puis ils nous font chialer, puis ils nous font chialer. C'est long, c'est long, c'est long. Ça brise l'ego, ça fracture l'appétit de l'ego pour la connaissance. C'est pour ça que c'est difficile. Quand vous avez des gens comme elle qui ont une grande sensibilité, ça prend des années pour en arriver à comprendre des choses, comprendre des choses, comprendre des choses, comprendre des choses. C'est pas facile. Mais il n'y a pas un homme qui rentrera en contact avec des fois de lumière et qui ne devra pas, à un moment donné de sa vie, de souffrir de la pénétration de ces énergies-là. C'est normal. Souffrez comme vous voulez, mais tous les gens souffriront de part de quelque chose. C'est automatique. On a beau gueuler, on a beau rationaliser, on a raison. C'est le même. Nos vibrations sont tellement basses que le contact avec leurs vibrations, ça nous fait vibrer. Normal. Mais au moins, vous avez un point de référence sur le plan humain, dans ma personne, qui vous permet toujours de comprendre, d'aller un petit peu plus loin dans votre souffrance, puis de comprendre toujours un petit peu plus votre souffrance. Parce que je vais toujours vous donner de l'information sur votre souffrance. Mais à un certain moment, il faut que vous soyez assez fort par vous-même pour pouvoir supporter votre souffrance, vos changements internes, vos changements personnels. Vous avez beau lire sur le supramental, mais quand vous vivez le supramental, c'est une autre paire de manches. On doit constamment s'instruire de l'esprit, constamment. C'est là que notre ego prend sa place, prend sa place, prend sa place, prend sa place. Il faut qu'on s'instruise de l'esprit. Puis même le mot esprit, c'est un mot qui est dangereux. Parce que tous les mots sont dangereux. Quand on a trouvé le mot esprit, c'est encore un autre mot, c'est encore un autre phare. Des concepts absolus, il n'y en a pas dans le cosmos. Quand tu es rendu à véhiculer l'information concernant la connaissance des mondes, tu ne peux plus le véhiculer par la venue des concepts. Tu es obligé de le véhiculer par le processus de la communication télépathique d'un mental à un mental. Et c'est simplement par vibration que ça se fait pas par des concepts. Même le mot esprit, c'est un mot qui est dangereux, mais on s'en sert parce qu'on est obligé de s'en servir, de se servir de cette forme-là, pour instruire l'homme dans le fait que lui a un esprit et qu'il y a sur d'autres plans de l'esprit. Même le mot clair n'est pas bon. J'aime mieux le concept de cette d'espace que le concept de clan. Le gars qui est poigné dans son clan, le gars qui est mort, qui donne un coup d'hache, là. Les gens vont dire, il est sur un clan. Il n'est pas sur un plan, il est dans un espace temporel. Alors, un espace temporel, c'est réel. Ça existe, des espaces temporels, puis il y a des gens qui ont le pouvoir de voir dans des espaces temporels. Et la vibration du mot espace temporel, la vibration du mot plan, c'est deux vibrations différentes. Puis le mot plan, c'est un mot très, très intellectuel. Le concept d'espace temporel, c'est un concept qui est plus réel parce qu'il y a dans le cosmos de l'espace et du temps. Il s'agit que les gens puissent se servir des mots d'une façon précise pour déterminer des valeurs précises à la réalité invisible. Sans ça, on est poigné automatiquement encore dans des formes. Ça n'arrête pas. On est des vrais vidangeurs. La personne se demande pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à comprendre ce qui se passe dans la vie. Normal. Dans ce sens que quand on parle, on doit parler sans penser qu'on parle. Quand on parle, on doit parler sans penser qu'on parle. On doit pas s'occuper de ce qu'on dit, c'est pas de nos affaires. Quand on s'occupe de ce qu'on dit, automatiquement, on pense qu'on parle, ou on parle ce qu'on pense. J'ai déjà fait des expériences d'un séminaire avec les gens, je dis à mendie mentalement, t'attends que la réponse descende ici, donne-nous pas la réponse ici, c'est pas pareil la réponse que tu vas me parler ici, la réponse qui descend ici. C'est deux réponses différentes. Il faut qu'on s'habitue à parler et à ne pas s'inquiéter de ce qu'on dit, c'est pas de nos affaires ce qu'on dit, c'est pas de nos business. On est des canaux. Si on s'occupe de ce qu'on dit, on devient des chameaux. C'est nuancé, c'est difficile de saisir ça. Et ça se saisit à un certain moment. Quand on apprendra à parler sans s'occuper de ce qu'on dit, à ce moment-là, on s'apercevra qu'on peut laisser passer de l'information en dehors des empreintes de l'ego, non affectées par l'ego, non teintées par l'ego. Il est bien clair. C'est pas de nos affaires, ce qu'on dit. Mais on veut toujours faire ça de nos affaires. Parce qu'on veut toujours se mesurer. On veut toujours mesurer son instinct. On veut toujours mesurer son, on sait bien les affaires. On veut toujours mesurer si, on, si les affaires qu'on sait sont au bout ou au bout du bout. Ou au bas du bout du bout. On veut toujours mesurer ce qu'on dit. On n'a pas à mesurer ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est pas supposé nous intéresser. Et ça nous intéresse tout le temps, ce qu'on dit. On a des mots dits d'habitude. Et après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'on sait rien, c'est pour ça. On sait rien parce qu'on veut tout savoir ce qu'on dit. C'est pas nous autres de savoir ce qu'on dit. Ce qu'on dit doit passer. Final. La lumière, elle descend automatiquement vers les plans inférieurs. Au plan inférieur de s'ouvrir et de la laisser passer. Mais ce qu'on est bourré de mauvaises habitudes qu'on prend pour acquises, ce qu'on cultive, on est des vrais jardiniers, des bons. C'est difficile pour l'ego de s'habituer à ne pas s'occuper de ce qu'il dit et à ne pas s'occuper de ce qu'il fait. C'est très difficile parce que c'est contre sa nature. L'ego veut toujours peinturer les murs de sa maison. Il n'est pas capable de vivre d'une maison où il n'y a pas de peinture. Il faut toujours qu'il y ait la peinture dans sa maison. Au lieu de s'habituer à laisser eux autres peinturer les murs de la maison comme eux autres le veulent. Et ensuite, l'ego parle de sagesse. C'est une étape dans l'évolution de l'homme, la sagesse. Et les autres, ils vivent de ça, sagesse. Sagesse. La sagesse de quoi? Quand ils sont rendus à détruire la forme de la sagesse, là, je veux qu'ils sont prêts à détruire bien l'affaire. Il dit qu'on parle de sagesse parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on sait. En étant pas sûr de ce qu'on sait, on est obligé d'attribuer à ce qu'on sait des valeurs qui sont suffisamment hautes en vibration pour qu'on puisse être à l'aise à la compréhension émotive et spirituelle de ce qu'on est. C'est ça la sagesse. Quand on a réalisé ça, à ce moment-là, on ne s'occupe plus de la sagesse. Parce qu'on ne réfléchit plus sur ce qu'on est. Quand tu réfléchis plus sur ce que tu es, à ce moment-là, tu es d'autre chose. Ce que tu es, cette autre chose-là, tu es, c'est un état. Cet état-là, c'est universel. L'universalité de cet état-là, ça ne t'appartient pas. Ça fait partie de la condition multidimensionnelle de l'homme. Moi, j'en ai rencontré des sages. Qui sont bourrés d'orgueil spirituel. C'est des sages. Bourrés d'orgueil spirituel. Allez, c'est clair. Allez voir les maîtres, c'est clair. Vous allez voir s'il n'y en a pas d'orgueil. Ben, chez ces maîtres-là. Parce qu'il y a une chose concernant l'orgueil, je vais vous le dire à soir. L'orgueil, c'est la vanité même de l'esprit de l'homme. Puis l'esprit de l'homme. Plus il est évolué, plus il est capable de se soustraire de l'illusion des formes, plus il est capable de détruire en lui-même des valeurs concernant ces formes-là qui sont absolument relatives à sa conscience pure, mais qui sont totalement enracinées dans sa conscience animale. Son ego qui se pense le mieux que les autres, un sommet qui se pense là, ça, là. Il ne peut pas voir autre chose que ça, parce que lui, c'est son homme de savoir en sagesse à lui. Si vous êtes les autres, en moins de la seule façon qui peut être en dehors de ça, pour qu'il franchisse un jeu de stress en noir, là, il va rencontrer la vraie lumière. Il ne peut pas. Il la voit, lui, parce qu'il serait obligé de la corde de lumière, il devient sage pour lui-même. Il devient sage pour lui-même. Puis quand un homme devient sage pour lui-même, automatiquement, il détruit les fondations de la sagesse, parce que les fondations de la sagesse sont suprêmes seulement quand l'homme est totalement ordonné à l'intérieur de lui-même. Puis quand il est ordonné à l'intérieur de lui-même, les fondations de la sagesse, il les retire vers lui-même pour instituer dans la lumière où il est les conditions suprêmes du discernement. Fait qu'à ce moment-là, quand il a développé les conditions suprêmes du discernement, il est prêt à descendre dans les mondes inférieurs pour faire connaître aux hommes les aspects du discernement, pour que eux éventuellement dépassent les limites de la sagesse, pour que eux éventuellement puissent s'asseoir au trône des élus. Le trône des élus, c'est la grande qualité des hommes qui ont totalement détruit les formes. quand on dit que Christ est à la droite du Père, c'est le trône des élus. Parce que quand on parle du Christ, le Christ représente la totalité des anges qui ont dépassé la porte. C'est ça le Christ. Le Christ est une âme universelle qui contient tous les attributs de tous les anges qui ont détruit la porte. Quand t'as pas détruit la forme, tu restes accroché au monde des esprits. Quand t'as pas détruit la forme, tu restes accroché au monde des esprits, si tu marches pas là. Et si tu vas pas dans le monde des esprits, il faut faire quelque part, quand tu vas nulle part, tu marches pas, tu immortalises automatiquement, aussitôt que t'as à changer de plan parce que t'as fini ton travail, tu t'en vas dans des mondes temporels, au lieu d'aller dans des mondes parallèles. Et les mondes temporels sont des mondes où l'homme se véhicule dans l'espace du temps au lieu dans des mondes parallèles où les esprits sortent du temps. C'est la différence entre les morts et les exodèles. C'est ce qui fait que les esprits ont une forme de jalousie envers ce qui les esprits sont jaloux envers l'homme. Il me dit que les esprits sont tellement jaloux envers l'homme que c'est pourquoi il existe le mensonge cosmique. C'est pourquoi il est content et il est pour les soucis. C'est pour ça que les gens sont soignés dans leur spiritisme et leur présence. C'est ça. Alors, tant qu'ils laissent dans ces formes-là, les gens ne peuvent pas avancer. Mais oui, tu veux dire qu'ils ne peuvent pas avancer. Alors, c'est ce que tu viens de dire. Les esprits sont jaloux des hommes. Les hommes, quand je dis, oui, je dis au monde, l'homme, c'est pas naturel de mourir. Les gens en rient. Parce que c'est pas naturel de mourir. D'aller dans la terre. On doit transmuter le corps éventuellement. Par ça, on s'en va. Dans les mondes temporels. Mais il faut qu'on comprenne absolument ce qui est en dehors du temps. Puis pour comprendre absolument ce qui est en dehors du temps, on est obligé de détruire les corps. Alors, les gens qui sont prêts à avancer dans la destruction des formes, puis aller au-delà de leurs émotions, puis aller au-delà de leurs sentiments, aller au-delà de leurs sentiments spirituels, automatiquement, ils rentrent dans cette énergie-là. Puis ceux qui ne sont pas capables, ils restent. Ils sont obligés de mourir. C'est pour ça qu'il en revient toujours à nous autres, la capacité de nous immortaliser. Ça n'a rien à faire avec eux autres parce qu'eux autres sont limités. Ils ne peuvent pas nous faire ça autant. Attends, ils connaissent nos dimensions. Alors, ça en revient à nous autres. Et plus notre esprit est capable de se soustraire des formes dont se sert l'ego pour se sécuriser, plus notre esprit devient puissant. Puis à ce moment-là, une fois que notre esprit est puissant, on n'a plus besoin de l'ego. C'est vrai. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, là, quand tu as une idée qui croche qui passe en tête et que tu prends l'habitude d'arrêter ça et de j'accepte pas ça, c'est là que tu entres dans une autre forme d'énergie que tu vas pouvoir. C'est ça. Il dit quand notre esprit, ça c'est bien important, vous en mettre. Il dit quand notre esprit est puissant, on n'a plus besoin d'ego. Parce que l'ego, c'est le support de l'esprit. C'est pour ça que l'ego est. C'est pour ça que l'ego travaille. Quand l'esprit est puissant, là, à ce moment-là, on a plus besoin d'ego. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ton ego, tu sens pas. Tu peux pas te situer dans ton ego. Tu peux pas. C'est un vide. Fait que là, tu fonctionnes en relation avec ton esprit. Ok, il dit la maison. Il dit que l'esprit de l'homme, c'est la transformation parfaite de l'ego. Hein? Plus l'ego se transforme, plus ça devient de l'esprit. C'est quand que l'homme est dans l'esprit de l'homme que l'homme devient créateur. Puis tant que l'homme n'est pas dans l'esprit de l'homme, il est une créature. C'est pour ça que l'ego est la manifestation de la création de l'âme. The word baptism. Simplement pour dire, telle tu m'as, telle que tu es de l'autre côté, parce que l'ego. Exactement, l'ego soit tenu d'autre bord. C'est ça. Ouais, ça, je l'aime bien, celle-là. Ça passe à la première fois que tu me le dis, ça. Ça prendrait un petit chat. Avec une petite chat grosse avant. C'est pas bon. Ça, c'est bien important de comprendre ça, parce que ça, c'est de la nouvelle instruction qu'on reçoit, que quand l'ego est totalement transmuté, il devient de l'esprit. Puis de l'esprit, ça ne se détruit pas, ça ne se tue pas, ça ne se ment pas, ça ne se détériore pas, parce que de l'esprit, ça fait partie du grand esprit qui devient. Fait que plus l'ego se transmute, plus on devient esprit. C'est ça, dans cette émanation de l'âme, on dira que l'homme, il est esprit. Pas durant 6 ans. Durant 10 ans, c'est débile. C'est pour ça qu'on s'obtient, c'est d'éliminer cet ego-là. C'est ça. Tout la souffrance. C'est bon. L'ego, c'est la caricature de l'esprit. C'est la masque de l'esprit. Là, il dit, ça leur permet d'employer le mot esprit. Faut que le masque soit détruit. C'est ça. Parce que quand le masque de l'ego est détruit, quand le masque de l'esprit est détruit, à ce moment-là, l'homme est dans la puissance de la lumière. Parce que l'esprit de l'homme et l'esprit universel, c'est la même chose. Seulement, l'esprit universel, c'est fait de la perfection de l'infinité, tandis que l'homme est fait de l'infinité de la perfection. La différence entre les deux esprits, ce sont toutes des différences quantitatives ou immunologiques. Oui, mais c'est de la même matière quand même. C'est de la même matière. C'est de la même matière. Ça ne montre pas pourquoi est-ce qu'un homme qui est rendu dans son esprit peut commander la matière, puisque la matière est faite de l'esprit. Comment on n'est pas le bon? La matière lui obéit. Puis c'est ça qui se passe avec les extraterrestres. Les extraterrestres, quand tu veux partir de 4,5 années de lumière, ils sont mis sur la planète Terre, tu arrives, ça te prend 2 semaines. Bien. Ils se promènent dans les terres ici, puis nous voient. Ils nous voient, mais nous ne voient pas. Mais il dit que c'est des informations très importantes, sur que l'ego, quand l'ego est transmuté, l'homme devient dans l'esprit. L'homme développe son esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qui est le pouvoir, et non dans l'ego. Si vous ne renaissez dans l'esprit, vous ne vivrez pas. C'est ça. OK. Renaître dans l'esprit. Exactement. Bien dit. Oui, c'est là ce qu'il disait. Il faut comprendre ce qu'il dit. La comprendre ce qu'il dit. Sans ça, on tombe dans des formes spirituelles, parce que notre ego va être devenu ce qu'il disait à sa façon. Oui, mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas, mais là, on commence à comprendre. On commence à comprendre. Maintenant. Il y en a pas un temps, depuis que je te connais, mon travail, il change de semaine en semaine. Puis, je me rends compte que le gros point de ma job, c'était de flancher ses égaux. C'est là, tu disais, quand tu commences à changer les vibrations d'une personne, tu t'en occupes jusqu'au bout. Je me disais, mais c'est ça, la job. Ouais, mais c'est une façon de parler quand je parle de même. Quand je parle de même, ce que je veux dire, c'est que si tu commences à te lier avec une personne vibratoirement au niveau de ton esprit et du sien, c'est évident qu'éventuellement il va s'établir un lien vibratoire avec entre toi et cette personne-là. Ben, c'est dans ce sens-là. Au niveau de ton ego. Si tu t'impliques en esprit, c'est une autre chose. Oui. Comme moi, je t'implique avec vous autres en esprit, mais c'est pas au niveau de mon ego. Fait comme ça, je ne me vide pas. Mais si je m'implique au niveau de mon ego, je me viderais. C'est ça, c'est que ton information passe au niveau de ton esprit. Mais c'est pas au niveau de l'esprit. C'est pareil. Oui. Si son information passe au niveau de son esprit, là, il n'y a plus affaire aux gens. En somme, les gens s'arrangent avec ce qu'il leur a passé. C'est ça. Le travail, après ça, c'est comment de leur part. Du moment que vous n'impliquez pas en égo, impliquez-vous en esprit. Puis en esprit, vous, automatiquement, vous allez savoir quand vous impliquez et quand pas vous impliquez. C'est quand l'égo vous serez à faire parce que l'égo, ça n'arrête pas. Ça fait trop d'overtime. Ils te le disent dans ce temps-là. C'est ça. Ils vont te le dire. Mais c'est libre. ça, quand je vous dis quelque chose et vous ne comprenez pas ce spot, ben, ramenez-les-moi pour que je le mette à point. Sans ça, ça nous crée des tensions. Moi, je trouve ça difficile, des fois, de... Timine, tu n'es pas de monopoliste, la soirée. c'est difficile de situer l'ego par rapport à l'esprit, parce que, il y a quelques années, le contact que j'avais, il était clair, j'avais ça clair comme de l'eau de roche. Oui, parce que, il y a quelques années, le contact devait spiritualiser ton ego. Ah, c'est pour ça que le contact était clair. Ça faisait partie de la transformation des corps. Il faut là que la spiritualisation se fasse. Donc, le contact a spiritualisé ton ego. À ce stade que l'ego est assez spiritualisé, il faut que le contact le déspiritualise. Le contact déspiritualise l'ego en se retirant. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être trop... Mm-hmm. OK? Bon, et là, ben, il y en a deux qui chicanent, c'est la polarité. Mm-hmm. À un moment donné, ça vient, puis aussitôt que j'en prends conscience, toute cette phase, là, ben, la question qui me vient à l'esprit, puis qui reste tout le temps, qui me vient là, qui reste tout le temps sans réponse, c'est qu'est-ce qui reste maintenant, de vous, toi, qu'est-ce qui reste? Ou bien, à un moment donné, par exemple, dans mon travail, comme ça m'est arrivé, j'ai un cours de 25 minutes à donner, je commence à donner le cours, je suis consciente, là, je commence à le donner, puis après, oh, je réalise, ça fait 20 minutes que je parle, je m'en vais plus, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que... Je bute sur un mot, puis là, c'est comme si je revenais. Mais là, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui était parti, je sais plus. Là, ben, ça... des questions qui restent bien sans rien. La transmutation de l'ego par l'esprit. Parce que quand on va comprendre ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est pas avoir l'ego. Ça va être bien. Là, on fera pas de gaffe. On fera pas d'overtime. On va être drôle. Il n'y a pas d'émotion. C'est la première fois que tu m'expliques clairement que c'est la relation avec vous. Parce que ça vient souvent, les gens me demandent ça. Ils vont te répondre d'une certaine façon. Il y a encore d'autres parmi vous. Je me demande, est-ce que c'est le nom des esprits que tu as pénalisé dans le passé? Oui. Et Martine, ils ont cru. Est-ce qu'on va vivre ça encore? Ou... Non. Non. Non, parce que les gens vont aller d'isolement. Est-ce que ça va jusqu'au discernement? Le discernement, ça va jusqu'au... Le discernement, ça va. Le discernement. Ça permet à l'homme de totalement se sécuriser. C'est la conscience. Les martyrs, ça faisait partie de l'évolution. Ça faisait partie des conditions de l'ego. C'est le pire de l'ego. Une des manifestations, la pire s'affaire de l'ego que l'une des pires. Parce que les êtres humains autour d'un ego imputaient à l'ego ses gestes, son comportement. Comment tu? C'est ça, je veux dire. Par le passé, là, moi je trouve que c'est un bon exemple parce que finalement, les êtres humains autour mettaient ça sur le dos de la personnalité du gars au lieu de dire que qu'est-ce qu'il véhiculait. Là. Parce que là, le discernement, tu comprends que tout ce qui est dit, c'est à sa place. Il faut que ce soit là. Car rien n'est inutile. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus de dire, bon, ben, si quelqu'un te t'engueule ou quelque chose, tu dis, il y a une raison. Puis en arrière de cette raison-là, il y a une autre raison, puis il y a une autre raison, puis il y a une autre raison. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus de mitonnerie. Chacun a raison. Ouais, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Parce que si ça se produit, c'est là. C'est ça. C'est ça. C'est le monde de rêve. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, on est très confronté avec. Ils disent que la vie universelle, que les aussi, ce que vous c'est davantage. Est-ce qu'on va être confronté à répondre comme Seneca, non, je ne connais pas, je ne suis pas de ce côté-là, donc sur mon âge, je... Non, on ne sera pas confronté à rien parce qu'on aurait été confronté à soi-même. Ça serait tout de suite. Ça veut dire qu'il va falloir se fier à soi-même, mais à soi-même. Les relations qu'on aura avec des gens qui nous valeront. Non. Non. On aura aucun maître. Ça fait que c'est aucun maître. C'est un discernement. C'est une pensée universelle. Tu vas toujours en relation avec ce que tu sais. Et non en relation avec ce que tu penses que tu es. Ou en relation avec ce que tu penses que tu peux représenter. Il n'y a aucune représentation dans mon sens. Quand tu es conscient, tu dois rien à personne, ma chère. Mais oui, mais si quelqu'un nous oblige à répondre. Personne ne peut t'obliger à rien. Parce que personne, quand tu dis ça, personne ne sait qui tu es. C'est toi qui t'oblige. Je suis j'ai l'impression que dans les dernières années, ça va être bien visible, bien la fin et tout le monde. Oui, mais ça, ce sont des intervenants spirituelles qui font partie encore des formes qui sont véhiculées à l'âme par le monde des esprits. Le bien universel, ça vient d'où? Ça vient d'où la connaissance du bien universel?